La pièce Blue Ceilings Outro, pièce titre de l'album de The Franklin Electric, qui va être en spectacle ici même à Trois-Rivières mercredi soir à la salle Alain Salard Rousseau, un groupe montréalais. Justement, on a John qui est le leader du groupe, on peut dire comme ça. Okay. Salut John. Oui. Ça va? Oui, ça va, toi? Ben oui, absolument. Merci d'être avec nous en direct d'une répétition, apparemment. Oui, on est en train de pratiquer. Est-ce que c'était difficile de d'arrêter la pratique pour venir nous parler un petit peu? Non, non, c'est it was good timing. It's lunch break now. Ah, parfait. Oh, pause de dîner à 15h20. Ben oui. Un petit peu en retard. On se lève en retard aussi. Ah ouais. Ça vient avec. C'est ça, un groupe de musique qui fait des tournées partout. Donc, le spectacle du 1er mars va être le premier d'une tournée québécoise. Vous êtes allé en Australie, vous êtes allé en Europe, à plein d'endroits. Est-ce que ça fait du bien d'être de retour au Québec? Qu'est-ce qui t'avait manqué le plus du Québec? Ben c'est sûr, c'est notre maison. C'est confortant, reconfortable de revenir chez nous. Puis, c'est sûr, on a lancé l'album, puis on est plein d'amour. We're getting a lot of good feedback, and mm-hmm. We feel good here. Ouais, c'est comme une pantoufle, le Québec. Mais j'imagine que vous avez sûrement traîné tes pantoufles en tournée. Fait que... Moi, c'est ce que je ferais. Comment est-ce que tu décrirais le son du deuxième album versus le premier album qui était This Is How I Let You Down? Je dirais le son est... Oh non, ça a évolué. On a ajouté une couple de choses électroniques, des synths. Okay. On a gardé des paroles assez, assez émotionnelles, mm-hmm. comme la première, vraiment honnête puis sincère. Puis c'était une challenge, maybe to find the balance between production, la production de l'album, et c'est comme un moment, like a moment of time, just mm-hmm. something that's still honest and simple. Capturer un moment dans le temps, trouver un équilibre entre tout ça. Ouais. Donc, vous faites du folk quand même, on doit dire, même si là, vous avez rajouté un petit peu d'électronique là-dedans. Est-ce que c'est difficile de se démarquer dans le folk? Il y en a quand même beaucoup en ce moment. C'est quoi? Dis ça encore. Est-ce que c'est difficile de se démarquer dans le monde du folk, étant donné qu'il y en a beaucoup en ce moment? C'est très à la mode, le folk. Comment est-ce que vous vous démarquez de ça? Ben, en fait, non, c'est pas beaucoup dans la mode. C'est un des moins à mode dans ces temps-ci. Je pense que le... L'album, ben, le style de musique le plus vendeur au monde, c'est du métal. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. T'as raison. J'ai appris ça l'autre jour. Puis je pense que le folk, c'est une autre challenge d'essayer de le faire un original. Ouais. Au lieu de juste jouer une guitare acoustique puis chanter. C'est ça. Il y a tellement de monde qui ont fait ça. Puis c'est vraiment. It's really awesome when it's done. Mais pour nous, c'était. important de le faire donner un nouveau vibe, try to make it have it a good have a like a little twist to it, Une petite twist, cool, absolument. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que le Québec et le reste du monde, c'est pas la même chose. Donc si le folk est un petit peu à la mode au Québec, ça veut pas dire que dans le monde c'est partout mm-hmm. pareil. Vas-y. Ouais, c'est ça. Non? Ouais. donc on a entendu Blue Ceilings qui est en train de jouer en arrière en ce moment encore. L'album, le deuxième, s'appelle Blue Ceilings. Au complet. Il y a la pièce I Know the Feeling qui est le simple en ce moment, le single qu'on a entendu en début d'émission tantôt. De quoi est-ce que ça parle? Je sais que c'est toi qui écris les textes du groupe. Tu as dit que ça parlait de plein de choses mélancoliques. De quoi parle I Know the Feeling? I Know the Feeling, c'est une chanson où je peux me mettre dans les souliers de n'importe qui. Mm-hmm. Puis mm-hmm. l'inverse aussi. Il peut. Everybody can kind of understand. The feeling of life, the feeling of struggle, overcoming struggle, developing personality, growing out of old habits, breaking habits, losing loved ones, losing love, finding loved ones and celebrating new ones and letting go of the old. It's kind of just a story of life in the circles and, le regret, you know, all that stuff, I guess. Ouais, passer par-dessus des obstacles, survivre à la peine, à la perte. Mais c'est pas, it's not really that sad. It's not a sad song. C'est ça, on it's dit actually, comme ça, mais. Ouais, it's a celebration saying, I know the feeling, like, moi je te comprends. Ah ouais. Je comprends, I get everything. I get everybody. Toi, everybody, ouais, c'est ça. It's a little bit of like a hug. Ah, c'est comme un gros câlin, j'aime ça, c'est très bien dit. Il y a un vidéoclip pour la chanson I Know the Feeling qui a été réalisé par quelqu'un qui a travaillé avec Skrillex, avec Charlotte Cardin et Mono Grenade. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce vidéoclip-là pour la pièce? Oui, le clip, on ne savait pas quoi attendre, mais I think le beauté du clip, c'était les personnages. Il y avait comme 15 ou 20 acteurs, like extras, qui ont venu juste pour le fun. On a acheté de la bière, puis c'était 5 jours de shoot. Oh. No. On a juste pris notre temps, puis c'était comme chaque jour, on dit, OK, qui veut venir? Trop cool. Couple people would hang out, puis tout le monde a genre, tout le monde a aidé quelque chose. Ils ont fait de plus. Notre gérant, il était là. Il faisait genre 3 jobs, tu sais, il avait 3 chapeaux sur sa tête. Puis voir le monde s'impliquer de même, c'est vraiment spécial pour moi. Puis l'expérience humaine en tant que créativité, c'est égal en you know what I mean? Like it's equal to the experience. Mm-hmm. So we made a great video, but we also I met great people. Ouais, des gens qui vont rester amis pour le reste de la vie. Yeah, you learn things about yourself, and people are tired. You get pushed out of your comfort zone, and you kind of like that's when you see people's true personalities shine. C'est vrai, tout à fait. C'est comme apprendre à vivre avec quelqu'un. Oui, exact. Pour 5 jours, mais à petite échelle. Vous avez déjà joué avec Mumford & Sons, City & Color, Bar Brothers, Half Moon Run, que ce soit en première partie avec eux. Qui est-ce qui reste à combler comme trou dans tes envies de partager des moments? Oh! Who would we like to open for right now? I don't know. I'm thinking like there was a couple bands in Australia that were really good. Mm-hmm. There's one called Gang of Youths. Okay. They're a killer rock band, like, and they still sing some emotional songs and some piano songs, and they kick ass on a. it's a great band. Also, another band from Australia, Rufus. Rufus. Mm-hmm. Gang of Youths, c'est ça? Gang of Youths, yeah, and then Rufus. I mean, those are 2 bands that we discovered recently. That could be really cool. Cool, ben parfait, on en écoutera, on va chercher ça un petit peu. Donc, parlons du spectacle qui s'en vient, qui est mercredi 1er mars à la salle Anaïs Alain Rousseau de Trois-Rivières. C'est le premier spectacle de votre tournée. Est-ce que c'est voulu d'avoir choisi Trois-Rivières comme première date, ou est-ce que c'est vraiment ce qui a été proposé, là? Je pense que c'était proposé. On a eu ce date-là en premier, il était intéressé, puis c'est sûr qu'on a joué ici. Avant, on a fait le festival, puis we always get a good vibe when we come here, so... Mm-hmm. Et là, vous êtes présentement à Trois-Rivières, c'est ce que ça veut dire? Vous êtes en train de pratiquer littéralement à la place où vous allez jouer. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a amené tout le kit de son puis de lumière, puis on a installé, ça fait 2 jours, on essaie des trucs, on réarrange des trucs, So we've been here hanging out, drinking beer and practicing. Toujours de la bière et de la pratique. C'est un bad, finalement. Vous avez du fun, c'est finalement. Ouais, à quoi va ressembler le spectacle? Est-ce que vous allez boire tout le long, dans le fond? Ouais, je vais essayer de ne pas trop boire. Non? Puis, non, je pense que c'est un mélange des vieux chansons, puis c'est sûr un feature of the new album. Mm-hmm. And we're just going to do what we do, I guess. Ben, c'est ça. Et c'est ce qu'on veut, en fait. Si vous êtes en train de voir les lumières, si vous êtes en train de voir les kits de son, puis tout ça, est-ce que ça veut dire que le show va changer comparé au dernier que vous avez fait? Oui, c'est sûr, on a ajusté puis changé la theme. We're really trying to bring out the theme of Blue Ceiling, so you guys, hopefully you'll feel that vibe. Ressentir. I actually know that you will. Ouais. Just kidding. Cool. Donc, Blue Ceiling, ce qui est le nom de l'album, bien sûr. Donc, c'est ce que vous allez faire pendant les prochains mois. J'imagine que vous allez faire des tournées. Est-ce que vous avez encore des plans de visiter d'autres pays? Vous êtes pas mal, vous avez l'air d'être pas mal worldwide en ce moment, en devenir, en tout cas. Ça devient pas mal gros, Franklin Electric. Donc, où est-ce que vous allez aller? Où est-ce que vous voulez aller, en fait? Ben, on finit la tournée, puis on part pour 4 semaines en Europe. OK. Qui est cool. On fait... France, UK, Netherlands, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, puis pour la première fois, on va faire la Scandinavia. Okay. Oh, cool. So we're really excited about that. Oui, ça doit. Mm-hmm. Cool. Ça va être super bon, le spectacle. Donc, c'est demain, mercredi, le 1er mars. C'est à 20h. C'est à la salle Alain Salard Rousseau de la Maison de la Culture. On peut les appeler. On peut se procurer des billets par Internet, bien sûr. Il y a la page Facebook. L'événement est sur assemblagerequis.com. On va vous souhaiter le meilleur des spectacles demain. On vous souhaite que tout soit parfait côté éclairage, émotion, câlin que vous avez donné à la foule. Ça devrait être vraiment. We're going to give everybody a big love and hug. Ah, voilà. Oh, that's so sweet. Est-ce que vous le demandez ou est-ce que vous allez vous lancer sur les gens pour donner des câlins? Ouais, peut-être. Si jamais j'ai bu trop, oui. Ah oui. C'est ça. OK, on vient de comprendre. Il a dit qu'elle se retenait, mais demain, on rappelle qu'on est le 1er mars, c'est la fin du mois de février sans alcool pour bien des gens. Bref, bon spectacle à vous. Et on va, vous demander, John, donc, de choisir n'importe quelle pièce de l'album Blue Ceilings, sauf I Know the Feeling qu'on a entendu en début d'émission, et sauf Blue Ceilings qui a joué tout le long de l'entrevue. Tu as le choix des 9 autres pièces et de nous en parler un petit peu, s'il te plaît. Sure, let's play Someone Just Like You. Mm-hmm. Et pourquoi? I don't know, it's a different vibe. There's like some cool Juno synths in it. I like it. I like the way it sounds. Cool, ben j'espère, en fait, je suis pas mal certain qu'on va l'aimer nous aussi. Donc merci beaucoup, John, de The Franklin Electric, et bon spectacle demain. Merci beaucoup. I wanted something I could use to find what's real, to find the proof. I need a moment just to find the truth, to find the truth. But they are speaking backwards, but I won't lie. I can't stand a thing about it. I need somebody just like you. And it's Just like you. The Franklin Electric. Oh, que c'est bon. Le Franklin Electric qui va être à Trois-Rivières mercredi 1er mars, 20h à la Maison des Cultures de Trois-Rivières. C'est à la place de l'Hôtel de Ville, c'est à la salle Anaïs à la Rousseau. Les billets sont sur enspectacle.ca. Et on remercie John. Oui, merci beaucoup. Les Pomerans C'est Fou, c'est la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Les 40 meilleures pièces francophones et anglophones de la semaine. En plus de chroniques avec des noms qui veulent rien dire, comme Huile de Palmarès, Palme Rest in Peace, Ailleurs dans les Palmarès et C'était Fou. Les Pomerans C'est Fou, tous les mardis de 14h à 17h.